Escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Francés. Nivel avanzado. Comprensión oral. Tarea 1. Escuche la grabación. Asocie cada afirmación a uno de los 6 fragmentos del texto. El texto se escuchará 3 veces. Ahora dispone usted de 2 minutos para leer las preguntas. Et nous sommes maintenant en communication avec un auditeur qui se trouve à Dakar, au Sénégal, originaire de Kolda, donc au sud du Sénégal. Il a 31 ans. Il s'agit de Mbalo Samba. Mbalo, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une question qui porte sur... Ah, ça, c'est une question que les Canadiens vont aimer. C'est l'utilisation de la lumière sur la santé des personnes. L'utilisation de la lumière sur la santé des personnes, c'est-à-dire... Oui. Le manque de lumière qui occasionne des problèmes de santé, c'est ça? Oui. Et oui. La thérapie par la lumière, ce qu'on appelle en fait la luminothérapie, tout simplement. Deux. Et je ne pense pas que c'est un problème qui se présente très souvent au Sénégal. Je sais que le Canada n'a pas beaucoup de soleil, et par contre ici, on a beaucoup de soleil. Et vous saviez que les Canadiens... Ils sont en manque de chaleur, peut-être. Ah oui, vous aviez entendu ça à la radio, vous aviez lu ça dans les journaux, ou comment? J'entends souvent, ou bien je regarde le net pour voir, j'entends à la radio, parce que le froid, lors des jours d'hiver... Oui. J'ai entendu que parfois on reportait des rencontres sportives à cause de la neige. Et par contre, ici, nous, on n'a pas de la neige, il y a le soleil. Je sais qu'on n'aura pas ce problème. Trois. Il y a 2 à 3 % de la population qui peut être atteinte de ce trouble affectif saisonnier. Alors, c'est ça, le TAS, le trouble affectif saisonnier. La déprime ne dure pas seulement une journée, une semaine, 2 semaines, parce que passer 2 semaines, c'est là où il y avait véritablement un problème, mais dure toute la saison de l'hiver, c'est-à-dire à partir du mois de janvier, généralement, jusqu'au fin mars, à peu près. Alors, la luminothérapie, c'est assez populaire chez nous. En fait, ça l'est beaucoup plus que ça l'était à ses débuts, 1980, à peu près. Alors, il y a tout un travail qui a été effectué depuis 25 ans pour essayer de raffiner la lumière qu'on va projeter sur le patient. En 15 ou 30 minutes au moins, on arrive aujourd'hui beaucoup plus rapidement à régler le problème d'une personne durant l'hiver. Je dis 20-30 minutes parce qu'on a donc ces écrans de lumière qui produisent la lumière souhaitée, beaucoup plus proche d'une lumière naturelle. Il y a eu 3 générations jusqu'à maintenant de thérapie lumineuse. Nous en sommes rendus à la 3e génération. 4. J'ai parlé 5 ou 6 mois à un collègue de travail, je parlais de cette question-là, qui utilise un de ses écrans luminaires. Il arrive au travail et c'est déjà, il l'ouvre automatiquement. C'est comme un gros néon, mais c'est beaucoup plus subtil qu'un néon, que la lumière d'un simple néon, côté de son téléphone. Et il dit que ça fait une très grande différence dans son humeur. Ses yeux sont ouverts. C'est comme ça qu'il me décrit la situation, grâce à cette lumière artificielle. Sinon, il a un peu l'impression que ses yeux sont dans le beurre. Qu'il fonctionne un peu comme mollement, avance contre un matelas. Hein, c'est comme les mots qu'il a utilisés, son sentiment de désarroi par rapport à la perte de lumière. 5. Il y a le département de l'éducation de l'Alberta, donc à l'ouest du Canada, qui a effectué une étude scientifique qui a comparé les résultats des étudiants avec 4 sortes de lumière. C'est une étude qui a duré 2 ans. Qui a été faite pendant les années 90, et on dit que sous la lumière à spectre complet, les étudiants apprennent plus rapidement, obtiennent des résultats scolaires plus élevés, grandissent plus rapidement, ont 33 % moins d'absence due à la maladie et ont 66 % moins de caries dentaires que prévu. C'est incroyable, hein, ce que ça peut faire comme bouleversement, avoir de la lumière dans sa vie. Voilà. 6. Ça explique pourquoi les Canadiens qui vont dans le sud, dans les Antilles, par exemple, ou en Floride l'hiver, pour 1 semaine, 10 jours, ils en reviennent, et c'est sérieux, c'est documenté, plus de bonne humeur, c'est sûr, mais l'effet dure quelques semaines. Après ça, on revient vers une déprime. Donc, le soleil est important et 20-30 minutes suffiraient, hein, pour remettre quelqu'un, retaper quelqu'un, le mettre de bonne humeur. Oui, j'invite à tous les auditeurs ou auditrices canadiennes de Radio-Canada de venir prendre le bain soleil avec moi ici en Casamance. Merci beaucoup, Mbalo, de nous avoir parlé de ce sujet très de saison. Merci. Alors, c'était Mbalo Samba qui se trouve au Sénégal. Ahora dispone usted de 1 minuto para comprobar sus respuestas. Et nous sommes maintenant en communication avec un auditeur qui se trouve à Dakar, au Sénégal, originaire de Kolda, donc au sud du Sénégal. Il a 31 ans. Il s'agit de Mbalo Samba. Mbalo, bonsoir. Bonsoir. Vous avez une question qui porte sur... Ah, ça, c'est une question que les Canadiens vont aimer. C'est l'utilisation de la lumière sur la santé des personnes. L'utilisation de la lumière sur la santé des personnes, c'est-à-dire... Oui. Le manque de lumière qui occasionne des problèmes de santé, c'est ça? Oui. Et oui. La thérapie par la lumière, ce qu'on appelle en fait la luminothérapie, tout simplement. 2. Et je ne pense pas que c'est un problème qui se présente très souvent au Sénégal. Je sais que le Canada n'a pas beaucoup de soleil, et par contre ici, on a beaucoup de soleil. Et vous saviez que les Canadiens... Ils sont en manque de chaleur, peut-être. Ah oui, vous aviez entendu ça à la radio, vous aviez lu ça dans les journaux ou comment? J'entends souvent, ou bien je regarde le net pour voir, j'entends à la radio, parce que le froid, lors des jours d'hiver... Oui. J'ai entendu que parfois on reportait des rencontres sportives à cause de la neige. Et par contre, ici, nous, on n'a pas de la neige, il y a le soleil. Je sais qu'on n'aura pas ce problème. 3. Il y a 2 à 3 % de la population

Este es el final de la tarea 1. Tarea 2. Escuche la grabación. Complete las frases con las palabras adecuadas. El texto se escuchará 3 veces. Ahora dispone usted de 2 minutos para leer las preguntas. Claude Monet, Les Nymphéas, détail, Musée de l'Orangerie, Paris. Un aquarium géant. Encore là, à t'esquinter les yeux à 7 heures. Le médecin t'a pourtant bien recommandé de ne plus faire d'efforts avant l'opération. Tu n'es pas sérieux, vieux têtu. Claude Monet était grimpé sur l'escabeau qui lui permettait d'atteindre le sommet d'un immense panneau. Il atténuait, par de légers frottis de touches orangées claires, le rouge vif des pétales d'un nénuphar en bouton. Impossible d'arrêter, Blanche. Il y a encore tellement à faire. Les 19 panneaux sont pratiquement terminés, mais certaines parties ne me satisfont pas. Viens m'aider. Passe-moi le tube de vermillon. Le peintre sortit un mouchoir et essuya son visage éclaboussé de gouttelettes de peinture. Il faut que ce soit parfait, Blanche. 2 salles à l'Orangerie de Paris m'ont été offertes par mon ami Georges Clémenceau. Imagine, 2 grandes pièces arrondies, dont les murs recevront mes nymphéas. Je ne peux décevoir, j'en ai fait don à l'État. Décevoir? Bêtise! Tu fais un cadeau immense à ton pays. Par tous les temps, depuis des années, tu travailles inlassablement au bord de l'étang, et tu parles de décevoir, vieux fou. Cesse de retoucher ces toiles, elles sont finies. Avec ta vue délabrée, ces modifications continuelles vont bien arriver à leur faire perdre toute fraîcheur. Viens, mon ami, il est tard. Le vieil homme descendit avec précaution de son perchoir, posa sa palette et ses pinceaux sur un guéridon. Sa belle-fille, Blanche Hoche des Monets, lui sourit lorsqu'il lui pinça gentiment la joue. Depuis la mort de son mari, Jean, le fils du peintre,